Un soir, un voyageur qui marchait depuis des jours et des jours fut surpris par la nuit avant d'avoir trouvé une auberge où se reposer. Il se sentait très fatigué lorsqu'il aperçut enfin deux maisons qui se tenaient face à face, chacune d'un côté de la route. L'une grande et belle appartenait à un riche marchand, l'autre, petite et misérable, était celle d'un pauvre paysan. En arrivant près des maisons, le voyageur pensa : « Je vais aller plutôt chez le riche. Je le dérangerai moins si je lui demande de m'offrir à manger. Et il aura sûrement un bon lit à me proposer. » Il frappa à sa porte. Mais le marchand ouvrit seulement la fenêtre à l'étage et lança d'une voix rude. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» L'étranger répondit qu'il souhaitait un abri pour la nuit. Le riche l'examina avec méfiance. Et lorsqu'il vit à ses vêtements usés qu'il n'aurait pas d'argent pour le payer, il dit au voyageur « Je ne peux pas vous recevoir. Toutes mes chambres sont pleines de grains et du fruit de mes récoltes. Et puis si je devais accueillir tous les vagabonds qui passent par ici, je deviendrais vite mendiant moi aussi. Allez voir ailleurs !» Et il referma vivement ses volets. L'étranger traversa alors la route pour s'adresser à la petite maison. À peine eut-il frappé à la porte qu'on s'empressa de lui ouvrir. Un vieillard le salua avec gentillesse et le pria d'entrer. Le voyageur remercia et le suivit à l'intérieur. La femme du pauvre paysan vint à son tour lui souhaiter la bienvenue. Installez-vous donc près du feu. Vous devez avoir froid et faim. « Mon bon monsieur, nous n'avons point grand-chose, mais c'est de tout cœur que nous partagerons. » Elle mit aussitôt quelques pommes de terre à cuire et alla traire la chèvre afin d'ajouter un peu de lait à leur modeste repas. Après le dîner, la vieille femme murmura à son mari. « Ce voyageur est venu très loin. » Il doit être raté, il a besoin de dormir dans un vrai lit pour sûr. Laissons-lui le nôtre. Nous coucherons bas sur la paille pour une nuit. » Le paysan accepta tout de suite et proposa le lit à l'étranger. Celui-ci refusa d'abord, mais les deux petits vieux insistèrent tant qu'il finit par accepter. Le lendemain, le vieil homme et sa femme se levèrent les premiers pour préparer un petit déjeuner à leur invité. Lorsque l'inconnu fut réveillé, il mangea avec eux de très bon appétit. Avant de les quitter sur le seuil de la porte, il se retourna. « Si vous deviez faire trois vœux, quels seraient-ils ? » Santé, je vois point autre chose à souhaiter, moi, répondit la femme. L'étranger alors suggéra. N'aimeriez-vous pas, par exemple, une nouvelle maison? Oh, ben, ça c'est sûr, hein? Ça c'est sûr. La nôtre tombe en ruine et il y fait rudement froid l'hiver, soupira la petite vieille. Ça c'est ben vrai, ajouta son mari. « Mais on peut point arrêter les courants d'air, hein ?»« Une nouvelle maison. Faut point rêver, allô. Faut point rêver. » Le voyageur hocha la tête en souriant et s'en alla. Les deux braves vieux le saluèrent de la main jusqu'à ce qu'il disparaisse peu à peu dans le lointain. La matinée était déjà bien avancée quand le riche se leva. Il ouvrit ses volets et ce qu'il vit de l'autre côté de la route le laissa stupéfait. Oh là là là là là là ! Viens vite ! Cria-t-il à sa femme qui accourut aussitôt. Dis-moi si je rêve. Qu'est-ce que tu vois là, en face, à la place de la misérable maison que nous avons toujours connue ? Ça alors ! S'exclama l'épouse en se frottant les yeux. Je ne comprends rien. Vraiment rien de rien. Mais d'où vient cette splendide demeure ? Donc, je ne rêve pas. Que s'est-il passé ? Tâche de savoir. Dit le mari en poussant son épouse vers la porte. La femme alla vite interroger le paysan qui lui raconta en détail la venue du voyageur, comment il l'avait reçu et ce qu'il leur avait dit en partant. Puis il conclut. Il n'avait rien d'extraordinaire, vous savez. Quoi qu'on y repense, il avait dans les yeux une drôle de lueur. Il vous regardait avec... une grande bonté. Enfin, toujours est-il que nous l'avons accompagné jusqu'au chemin. Et quand nous nous sommes retournés, ma femme et moi, cette merveille de maison nous attendait. L'épouse du riche se hâta de rentrer chez elle pour répéter à son mari ce qu'elle avait appris. « Oh là là là là là là, si j'avais pu deviner !» s'exclama alors celui-ci. « Je me battrais d'avoir été si bête quand je pense que cet homme était d'abord venu chez nous et que je l'ai renvoyé. Oh là là là là là là !»« Dépêche-toi! Tu peux encore le rattraper !» lui dit sa femme. « Sois très aimable avec lui. Il exaucera peut-être 3 vœux pour nous aussi !» Le riche, sans plus attendre, sauta sur son cheval et partit. Il galopa à une telle vitesse qu'il eut tôt fait de rejoindre le voyageur. Il mit pied à terre pour s'incliner devant lui. Vous savez, noble étranger, j'avais finalement décidé de vous laisser rentrer hier soir. Mais vous êtes parti pendant que je cherchais la clé. Lui dit-il avec des politesses et des courbettes qui n'en finissaient pas. Puis la main sur le cœur, il ajouta. « Si jamais vous repassez par là, surtout, venez chez nous, n'hésitez pas. »« Certainement, je n'y manquerai pas. » dit l'inconnu avec un petit sourire. L'hypocrisie de l'autre ne lui avait pas échappé. Il allait reprendre son chemin quand le riche l'arrêta. « Ne me serait-il pas permis, à moi aussi, d'exprimer 3 vœux comme l'a fait mon voisin ?» « Vous pouvez, bien sûr, mais ce ne serait pas bon pour vous. Vous feriez mieux de ne rien désirer du tout. » Mais le riche insista encore. Alors l'homme mystérieux lui dit. « Très bien, rentrez chez vous. Les 3 vœux que vous ferez seront accomplis. » S'en retourna en songeant à ce qu'il pourrait bien désirer. Il était si profondément plongé dans ses pensées que les rênes lui glissèrent des mains et que le cheval se mit à bondir dans tous les sens. Son maître, qui aurait bien aimé réfléchir tranquillement à ses vœux, en fut très agacé. « Oh là là là là là là, tout doux, calme » fit-il au cheval en lui caressant l'encolure pour le flatter. Mais cela n'eut aucun effet. L'animal recommença ses ruades de plus belle, si bien que le marchand fou de colère finit par souhaiter. « Si tu pouvais te casser le cou, sale bête !» N'avait-il prononcé ces mots que le cheval s'abattit lourdement sur le sol, comme foudroyé. La pauvre bête ne se releva pas. Elle resta étendue, complètement immobile, belle et bien morte. Le premier vœu venait ainsi de se réaliser. L'homme riche n'éprouva aucun chagrin. Mais il était furieux, car ce cheval lui avait coûté une fortune. Comme il ne voulut pas abandonner la selle qu'il avait achetée fort cher aussi, il la détacha et l'emporta. « Forcé de continuer à pied avec ce lourd fardeau sur le dos, il se consolait en pensant aux deux vœux qu'il pouvait encore faire. Mais le soleil de midi devenait accablant. Et sur le chemin, le riche marchand avançait de plus en plus péniblement. « Il faut que mes deux souhaits soient absolument parfaits, de sorte qu'ensuite, je n'ai plus rien à désirer. Ah ! Encore faut-il les trouver. Ah là là là là là là là là !» Et il cherchait, cherchait, cherchait. Par moments, il croyait avoir une idée, mais après réflexion, il se rendait compte qu'il lui manquait encore ceci ou cela, et il lui fallait continuer à chercher. Écrasé par le poids de la selle, il marchait de moins en moins vite. Il avait mal au dos et sa gorge sèche le faisait souffrir. Mais ce qui l'énervait le plus, c'était qu'il avait beau se creuser la tête, il n'arrivait toujours pas à trouver deux vœux assez parfaits. Comme aucune idée ne parvenait à le satisfaire, ses pensées se mirent à vagabonder et voilà qu'il songea à sa femme. Il l'imagina à la maison, bien à son aise, assise au frais, en train de manger peut-être, pendant que lui se mourait d'épuisement. Cela l'irrita à tel point qu'il entra dans une rage terrible. Oh, cette bonne femme! Elle ne me sert pas à grand-chose. À sa place, je préférerais avoir un âne, tiens. Lui au moins me porterait cette maudite selle. Sitôt le dernier mot prononcé, sa femme, transformée en âne, trottinait à ses côtés. Son deuxième vœu venait d'être exaucé. Le riche, tout heureux de se débarrasser de la selle, la posa sur le dos de l'animal qui gémissait. En entendant sa femme braire ainsi, le méchant homme éclata de rire. Puis, pour l'obliger à avancer, il lui donna quelques coups de pied. En arrivant chez lui, il voulut conduire l'âne à l'écurie. Mais les plaintes de celui-ci furent si déchirantes, ses cris si stridents, qu'il dut, pour le faire taire, l'emmener dans la maison. Il crut qu'il allait pouvoir enfin se reposer dans son fauteuil et réfléchir tranquillement au dernier de ses souhaits. Mais l'âne, avec de grands yeux pleins de détresse, frotta son museau sur son épaule en essayant de lui faire comprendre que le seul vœu à choisir maintenant était qu'il redevienne sa femme. Mais le riche ne voulait rien savoir. Alors l'âne se mit à ruer et à donner des coups de sabot partout. Puis, comme le marchand hésitait encore, l'âne commença à tout casser autour de lui, si bien que l'homme, soudain, apeuré, fut contraint d'obéir. L'animal put reprendre enfin sa forme humaine. Le troisième et dernier vœu venait d'être exaucé. C'est ainsi que le riche marchand, à cause de son avarice et de sa méchanceté, ne récolta dans toute cette aventure que des contrariétés. Les pauvres vieux de la maison voisine, toujours prêts à rendre service à ceux qui frappaient à leur porte, vécurent heureux de longues années. Quant au voyageur mystérieux, il poursuit sa longue marche à travers le monde et aujourd'hui encore.